dans le thème de cette journée sur l'apprentissage et on se rend dans le domaine de l'agriculture. Actuellement, 240 jeunes, dont 24 jeunes femmes, suivent une formation d'agriculteur ou d'agricultrice dans le canton de Fribourg. Toujours sur le territoire cantonal, quelques 200 exploitations forment des apprentis. C'est le cas d'une ferme à Orsonnance. Pierre Meyer s'est rendu dans la glane pour y rencontrer deux apprentis et leur formateur. Alors, allez sortir les génisses. Oui. On va lui mettre derrière. Jean Berthier a une soixantaine d'années. Il exploite 25 hectares, des pommes de terre, des céréales et du maïs notamment. Son revenu, il le gagne surtout en engraissant des bovins. Cet agriculteur forme des apprentis depuis une trentaine d'années, un choix avant tout dicté par le porte-monnaie. Mon exploitation ne pourrait pas sortir un revenu pour un employé à 100%. Du coup, pour vous, c'est aussi une sorte de rentabilité d'avoir des apprentis plus que des employés. Ouais. Pour le moment, on a toujours des jeunes qui sont annoncés pour venir chez nous. On n'a pas eu de difficultés, mais il semblerait qu'il y a encore plus de places de libre que ça y était dans les campagnes. L'agriculture est effectivement l'un des rares domaines en Suisse où l'offre de places d'apprentissage dépasse la demande. L'an dernier, en Suisse, il y avait 4500 places d'apprentissage en agriculture pour 4000 jeunes intéressés, selon un baromètre réalisé sur demande du secrétariat d'État à la formation. Jean Berthier travaille depuis quelques années avec deux apprentis. Vincent Monnet de Marly est en dernière année de formation. Il nous explique comment il a trouvé cette place. J'ai fait un téléphone, un stage et j'ai eu ma place. Donc c'était absolument pas compliqué pour vous? J'ai vu que c'était libre ici, 3 jours de stage, puis après il m'a rappelé pour dire que c'était bon. Vincent Monnet est dans le milieu une sorte d'exception puisque personne de sa famille n'est propriétaire d'exploitation agricole. Cette formation, il la considère comme un tremplin. C'est pour ensuite pouvoir aller à Zellikofen pour faire ingénieur agronome. Et c'était un passage obligé que de passer par un apprentissage d'agriculteur? Non, il y a aussi la possibilité de faire le collège, puis ensuite une année de stage. Mais j'ai essayé le collège, mais ça ne m'a pas aidé. Alors qu'est-ce qui vous plaît ici? Au lieu que ce soit qu'il y ait de la théorie, comme dans les hautes écoles, là, si on dit traire une vache, on va la traire. Sortir un taureau, sur le taureau, on voit à quoi ça ressemble. Ce n'est pas toujours dans les livres où c'est expliqué, puis on ne sait jamais à quoi ça ressemble. Ah, il est dans la route, c'est bon. Contrairement à Vincent Monnet, la plupart des apprentis agriculteurs ont déjà un avenir tout tracé. C'est le cas du deuxième apprenti dans cette exploitation, Florian Babst de Wisternan-Sonogo. Ouais, c'est mon papa qui a le domaine, et puis je vous reprendrai après, quoi. Apprendre le métier pour poursuivre une formation ou reprendre un domaine. Mais une troisième option théorique existe, apprendre ce métier dans le but de devenir employé agricole. On a demandé à Jean Berthier s'il avait déjà vu ce cas de figure. J'en ai eu deux, trois comme ça, oui. Ou bien ils sont mordus du métier, puis ils n'ont pas d'exploitation dans la famille ou pas de perspective d'en reprendre une. C'est possible d'être employé dans une exploitation agricole quand ce n'est pas de notre famille ou ça ne se fait quasiment pas? Ça existe. Ça demande des exploitations d'une certaine taille. À des conditions décentes? Il existe des barèmes, des directives bien précises qu'on doit appliquer. Alors oui, c'est possible. Environ 3700 francs bruts par mois au minimum, c'est le salaire mensuel que devrait gagner en 2015 un employé d'exploitation agricole muni d'un certificat de capacité. C'est ce qu'indique une tabelle non contraignante de l'Union Suisse des Paysans sur laquelle s'appuie l'Union Fribourgeoise des Paysans. Compter 3200 francs pour une main-d'œuvre saisonnière ou 1500 francs pour un auxiliaire sans formation professionnelle, somme à laquelle il faut soustraire environ 1000 francs par mois pour les frais de logement, de nourriture ou de blanchissage. Revenons aux apprentis qui vont reprendre le domaine familial. Pour eux, certaines questions se posent forcément quant au futur du métier d'agriculture. On retrouve l'apprenti Florian Babst. C'est sûr, les horaires et tout ça, la météo, c'est pas toujours plus facile, mais si on aime ça, c'est ma passion, et puis j'aime bien ça, quoi. C'est quoi que vous aimez? J'aime bien contact avec les bêtes, travailler dehors, puis les machines, tout ça, ça me plaît, quoi. Avec toute son expérience, Jean Berthier prodigue quelques conseils pour avoir une exploitation viable. La clé du succès, la diversification. Première chose à faire, c'est de bien planifier son exploitation, de voir qu'est-ce qui est possible. Et maintenant, ça dépend de la taille de l'exploitation. Beaucoup, ils font des activités annexes, tourisme rural, pension chevaux, d'autres choses. Il faut être innovant. Parce que aller sur les bancs de l'école puis croiser les bras après, ça amène à rien. Et durant leurs 3 ans de formation, les apprentis agriculteurs changent en principe chaque année d'exploitation et en raison d'un accord passé par le canton de Fribourg, ils peuvent également suivre une partie de leur formation pratique dans les cantons de Vaud, du Valais, de Berne ou de Soleure.